par jour. Déjeuner dans ton mois, dans 12h volé, dans 17h dîner, dans soirée commis. Ré. Independence, cha-cha, tous oubliés. Au Kipanza, fata, tobaki. Au table rond, cha-cha, wasangéo. Cha-cha, tos ouye O kipanza, cha-cha, tou bagidi O table ron, cha-cha, bagande o O kipanza, cha-cha, tos ouye Africa.